Audiomatique. Transmission 452 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet argentin Chancha via Circuito et la pièce Dandelion qui ouvre le plus récent album intitulé La Estrella, paru à la fin 2022. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain Proto Martyr d'assurer la continuité à Audiomatique. We'll be right back. Audiomatique, c'était la formation anglaise Squid, de qui on entendait la chanson If you had seen the bull's swimming attempts, you would have stayed away, extraite de leur deuxième album Oh Monolith, paru le 9 juin 2023. Précédemment à Squid et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le groupe américain Proto Marcher, de son sixième album Formal Growth in the Desert, lancé le 2 juin 2023, nous avons entendu la chanson Rain Garden. Et allons-y maintenant avec la musique de l'artiste Thomas Lear. Thank you. À Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter le projet Intelligent Communication mené dans une perspective davantage techno house par les membres de la formation de Future Sound of London, de l'unique production de Intelligent Communication intitulée Principles of Motion EP est sortie en 1991. Nous avons écouté la pièce Drive. Avant cela, c'était le projet Decadados et sa pièce Alphabeto, la Cold Version, qui apparaît sur la compilation Backup Mexican Technopop, qui regroupe des pièces de projets mexicains réalisées entre 1980 et 1989. La compilation est publiée par l'étiquette de disque Dark Entries. Et on amorçait cette séquence avec la pièce Tight as a Drum, composée par l'artiste Thomas Lear pour son album Letter from America, paru en 1982. La pièce est également disponible sur la compilation Additive Noise Function, produite par l'étiquette de disque Cherry Red. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation anglaise Creep Show. tide will pull us in, unfolding, but not breathing. Just dream. avions droit à Audiomatic, au groupe américain Swans, qui existe depuis 1982 et qui nous ont offert le 23 juin 2023 leur 16e album studio intitulé The Beggar. De cet album, nous vous avons présenté la pièce Ebbing. Tout juste avant Swans, nous avions droit à la formation anglaise Creepshow, qui est formée de John Grant, le chanteur du groupe The Czars, et des trois membres du groupe Wrangler, soit Ben Edwards, Phil Winter, qui fait également partie du groupe Tongue, et de Stephen Malender, qui est aussi connu comme étant un des membres fondateurs du groupe Cabaret Voltaire. Du deuxième album de Creepshow intitulé Yawning Abyss et sorti le 16 juin 2023, nous avions droit à la chanson Matinée. Nous allons maintenant conclure cette transmission d'Audiomatique sur les sonorités produites par le projet Synapscape. La pièce que nous allons entendre, soit Third in the Orbit, se retrouve sur l'album intitulé Raw, paru en 2002 et qui présente une collection de pièces jusqu'à ce moment non publiées qui ont été réalisées entre 1994 et 2001. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici Synapscape et sa pièce Third in the Orbit. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. Jésus.